Guide ni au Mungere. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal en langue française et dont voici les principaux titres. Aucun ironiste n'est innocent pour juger l'un ou l'autre et des propos du premier vice-président de la République et militant du parti Iprona. C'est après la demande de la démission du président de ce parti pour des fautes commises introduites par certains des membres du bureau central de son parti. Et le marché urbain de la commune Matana en province Bururi a réduit en cendres ce dimanche. Le gouverneur de cette province trouve urgente la disponibilité d'un camion extincteur dans cette province pour une probable intervention. Nous aurons tout de suite des détails avec Jean-Pierre Misago. Et les habitants de la commune Nyarusange, nous sommes dans la province de Gitega, réclament l'électrification de leur commune pour entreprendre des activités nécessitant le courant électrique pour s'auto-développer. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. De la politique pour débuter ce journal, le premier vice-président de la République et membre du parti Iprona appelle les Ipronistes à rester calmes et courageux car les tensions au sein de ce parti vont trouver solution. Selon Gaston Sindimo, ce n'est pas la première fois que des tensions éclatent au niveau du parti de Gwagasore. Quant aux accusations contre le président du parti, Gaston Sindimo trouve que même parmi les auteurs du document transmis à l'accusé, personne n'est innocent et compte rencontrer toutes les parties prenantes pour une issue favorable. Je vous prie de suivre Gaston Sindimo. Il est le premier vice-président de la République et membre du parti Iprona. Je l'attendais parce que j'avais vu le comportement de certains membres du parti Iprona depuis 3 ans déjà. De toutes les façons, c'est une lettre normale parce que dans une famille ou un parti politique, il doit y avoir des courants ou des tendances. C'est tout à fait normal. De toute façon, nous devons gérer, comme nous avons géré d'autres affaires qui se sont manifestées au parti Iprona. Aujourd'hui, ce que je peux dire aux Dasigana, c'est garder leur calme et le courage parce que nous voyons les activités. Quand moi j'observe la situation aujourd'hui, c'est une situation pour moi que je pourrais applaudir la direction du parti Iprona. Depuis que je connais le parti Iprona, c'est la première fois qu'une direction puisse descendre jusqu'aux collines. Et depuis que je suis au parti Iprona, on va tout faire pour amener les gens au Berkay puisque nous sommes dans une phase de rassemblement. Rassembler non seulement les anciens Ipronistes, mais rassembler tout peuple mourounais qui aspire au parti Iprona et aux idéaux de Prince Lourasso. Ces membres accusent le président du parti d'avoir commis 28 fautes qu'il qualifie de lourde. Est-ce que pour vous, ça ne nécessite pas une prise de décision? Vous savez, personne n'est innocent. Tout le monde, nous commettons des fautes chaque jour. S'il faut compter les fautes des uns des autres, et probablement parmi ceux qui ont transmis cette lettre, ils ont plus de 30 ou 40 ou 50, même 100 ou même 1000 fautes. Est-ce qu'on doit tuer celui qui a des fautes? Il faut le ramener et corriger. Nous avons des cadres de redressement, nous avons les cadres d'échange et de concertation que nous devons privilégier. Privilégier un écrit comme ça, c'est trahir le parti. Exactement, comment finir avec cette tension au niveau du parti pour attaquer premier vice-président de la République? Nous allons faire une large consultation avec tous les concernés et d'autres cadres du parti qui pourront apporter leurs contributions afin de mettre fin à cette anarchie. C'était Gaston Sindimo, il est le premier vice-président de la République, en même temps membre du parti Iprona. De la politique à la sécurité, la majeure partie du marché moderne du centre urbain de Matana, en province de Bururi, a pris feu ce dimanche matin. Certains des commerçants contactés disent ignorer l'origine de cet incendie et déplorent la lenteur de l'intervention des camions extincteurs. Frédéric Nyonzima, gouverneur de la province de Bururi, trouve urgente la disponibilité d'un camion extincteur dans cette province afin de faciliter l'intervention dans ce genre d'incendie. Le point avec Jean-Pierre Misak. Après plus de 2 heures que le marché du centre urbain de Matana était en flammes ce dimanche matin, les camions extincteurs en provenance de Bujumbura et de Rutana, selon le gouverneur de Bururi, sont arrivés à Matana vers 9h passées. Tous les kiosques en planche de ce marché étaient déjà réduits en cendres, selon certains commerçants de ce marché contactés. Pour certains commerçants, ceux qui étaient sur place ont pu évacuer certaines de leurs marchandises. Des voleurs se prenant pour des sauveteurs étant entrés dans le jeu. D'autres commerçants n'avaient plus rien à dire. Toutes leurs marchandises consumées par le feu. Ces commerçants regrettent que l'intervention n'a pas été rapide et demande qu'une solution soit rapidement trouvée. Frédéric Nyonzima, gouverneur de Bururi, trouve fondée ces lamentations des habitants de Matana et demande que sa province soit dotée d'un camion extincteur qui interviendrait rapidement en cas d'une pareille situation, dans la mesure où de tels marchés se retrouvent dans toutes les 6 communes de cette province. Jusqu'à 11h de ce dimanche, l'origine de cet incendie et le bilan des dégâts restaient inconnus, selon le gouverneur de Bururi. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Restons toujours dans les nouvelles du marché. Certains occupants des stands du nouveau marché de Gitega ne sont pas du tout contents quand ils travaillent à perte car ils n'ont plus de clients suite aux vendeurs ambulants qui sillonnent les avenues de la ville de Gitega. L'administrateur de cette commune dit que des listes de vendeurs ambulants seront confectionnées pour qu'ils puissent payer des taxes, de même que ceux qui ont déplacé dans ce marché. Arthur Kavabushi pour plus de détails. Ce marché nouvellement réhabilité se trouve en bas du marché central de Gitega, dans un endroit communément appelé Mukabasazi. Certains vendeurs de ce marché ne sont pas du tout contents des vendeurs ambulants. Ils indiquent que comme ces vendeurs ambulants ne payaient pas de taxes, ils rabaissent le prix de leurs marchandises, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir de clients, étant donné qu'aucun client n'entre dans ce marché. Ces vendeurs font savoir qu'ils travaillent à perte à cause de ces vendeurs ambulants et demandent à l'administration communale de leur trouver des places dans les marchés afin qu'ils travaillent ensemble. L'administrateur de la commune Gitega, Naïmana Valentin, dit qu'ils vont leur identifier et leur donner des badges. Ce responsable communal souligne qu'ils vont également leur montrer les places qu'ils ne vont pas franchir, faute de quoi ils s'exposeront à des sanctions allant jusqu'à la saisie de leurs marchandises qui seront distribuées aux nécessiteux. Les vendeurs de ce nouveau marché payent 4000 francs pour les places qu'ils occupent, ainsi qu'une autre somme calculée sur base des marchandises à leur possession à l'OBR. Donc, Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. Nous marquons une courte pause et nous allons rester toujours dans cette province de Gitega. Isanganiro, la radio de l'avenir. Il est 18h08 dans les studios de la radio Isanganiro et les habitants de la commune Nyarusange et de la province de Gitega réclament l'électrification de leur commune pour qu'ils puissent exercer des activités nécessitant du courant électrique. L'administrateur de la dite commune indique que le manque du courant électrique ralentit le développement et le chef d'antenne de la régie des eaux région Centre-Est précise que cette question dépasse ses compétences. Le point avec Gérard Nibigira depuis toujours la province de Gitega. Les habitants de la commune Nyarusange, avec qui nous sommes entretenus, laissent entendre que si leur commune était électrifiée, ils exerceraient plusieurs activités maintenant inexistantes dans leur commune, faute de courant électrique. Des exemples d'activités qu'ils comptent exercer sont entre autres l'installation des ateliers de soudure, l'installation des moulins, des machines à bois, des salons de coiffure, des salles de cinéma et d'autres. Ainsi, ils demandent que leur commune soit électrifiée. Quant à lui, l'administrateur de la commune Nyarusange, Ferdinand Vourikier, fait savoir que le courant électrique est un des facteurs de développement et que son absence ralentit le développement. Il souligne que le courant électrique occasionne la naissance de nouvelles activités génératrices de revenus et qui permettent le prélèvement des taxes communales, réussissant de cette manière des recettes communales. Il termine en disant que ce dossier de courant électrique dans sa commune a été transmis à ses supérieurs hiérarchiques et que donc il espère une issue favorable. À propos, Jean-Claude Eman et Lakiza, chef d'antenne de la régie des eaux région Centre-Est, explique que c'est la direction d'électricité à la direction générale de la régie des eaux à Bujumbura qui traite des dossiers relatifs à l'électrification de nouvelles zones. Et notre commune de la province est Gitega non encore électrifiée, c'est la commune Eburaza, les 9 autres étant toutes électrifiées. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Gérard Nibigira qui nous disons merci, toujours dans les nouvelles de l'électricité, mais cette fois-ci dans la province de Bubanza. Les habitants de la plaine de Gihanga et Manda, propriétaires des terrains où seront fixés des pylônes de la régie des eaux, conduisant le courant électrique à partir de Kamanyola, République démocratique du Congo, réclament des indemnisations pour leurs terres cédées. Au cas contraire, ils demandent l'autorisation de cultiver pour la saison culturelle B en attendant la réponse finale. Le point avec Swiss Caritas Kamanyola. Ces pylônes électriques seront fixés à partir de Kamanyola en République démocratique du Congo et toutes les études du projet ont été réalisées. Ceux qui ont fait le traçage sur terrain ont promis aux habitants de Gianga et Manda une indemnisation équivalente à leur terrain. Ils ont procédé à l'identification de ceux qui vont bénéficier de cette indemnisation et ont interdit à ces personnes de continuer à cultiver une fois qu'ils auraient récolté pour la saison culturelle A. Mais il y a 2 mois que les propriétaires de ces terrains attendent et veulent finalement cultiver pour la saison culturelle B, puisque l'indemnisation n'est pas encore disponibilisée. Sur la colline Rubira, par exemple, ces populations veulent à tout moment cultiver, mais sont empêchées par le chef de colline qui leur demande d'attendre la réponse de la régie des eaux. Ces populations demande de recevoir cette indemnisation, sinon quelle est l'autorisation de cultiver pour la saison culturelle B en attendant que le problème soit résolu. Le gouverneur de la province de Bubanza affirme qu'il est au courant de ce projet d'électrification à partir de Kamanyola et promet qu'il va contacter les responsables de la régie des eaux pour donner solution à ce problème. Merci également à toi, Spécie Caritas et Kabanyana. Et pour clore l'actualité nationale, nous rendons dans la province de Kayanza, où certains habitants de la commune Muruta sont dissatisfaits du déracinement des eucalyptus proches de la source de la Ruvuvu, où se trouvant dans cette localité. Ils expliquent que cette source était menacée du tarissement et ajoutent que même le marais dans lequel elle passe celle-ci n'est plus cultivable et espèrent l'exploiter de nouveau grâce au remplacement des eucalyptus par des plants d'arbres autochtones. Le point avec Vestine Boutoyi qui s'est rendue sur le lieu. Des arbres autochtones comme Umuremera, Umugoti, Umukerenwa sont ceux qui ont remplacé les eucalyptus déracinés dans la localité de la source de la rivière Ruvubu, se trouvant sur la colline Mfunda, commune Muruta, province de Kayanza. Les habitants qui étaient en train de repiquer ces plants d'arbres autochtones affirment que ces eucalyptus sont à l'origine du tarissement progressif de cette source et du marais de cet endroit. Un de ces habitants indique qu'avant la plantation de ces eucalyptus dans cette zone, son marais était cultivable et son sol productif. Cette autre personne explique qu'après la plantation de ces eucalyptus, le sol de son marais a tari à cause des racines de ceux-ci qui captent beaucoup d'eau et comme ça, son sol n'est plus cultivable. Nous cultivions son marais, mais sans rendement, car ces eucalyptus qui étaient dans cette localité captaient beaucoup d'eau dont les plantes maraîchères avaient besoin. Elle ajoute qu'aujourd'hui, après le déracinement de ces eucalyptus et le repiquage de ces plants d'arbres autochtones, ils espèrent cultiver de nouveau dans son marais afin d'accroître leur production comme auparavant. Ajoute-t-elle, Anisenda Izei, gouverneur de la province Kayanza, a fait savoir que plus de 200 sources d'eau se trouvant dans cette province ont déjà tari à cause des plantations d'eucalyptus au niveau de ces sources. Actualité internationale. Actualité internationale au Gabon. Après le coup d'État manqué, ce pays se dote d'un nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement a été rendu public tard dans la nuit de ce samedi à dimanche. Selon la RFI, le nouveau premier ministre, Julien Ngogué Bekele, a publié son équipe via une vidéo enregistrée depuis le Maroc. Le nouveau gouvernement compte 38 membres, y compris le premier ministre, contre 41 ministres dans l'équipe sortante. Le nouveau gouvernement est quasi identique au précédent et les hommes d'Ali Bongo restent au poste stratégique et les opposants qui avaient accepté la main tendue d'Ali Bongo lors de la formation du précédent gouvernement en mai 2018 n'ont pas été chassés du gouvernement. Seul Patrick Eyogo et de Zang a été limogé. L'on retiendra que c'est ce dernier qui avait brutalement rompu le contrat de distribution d'eau et d'électricité au Gabon par la société française Veolia. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le marché urbain de la commune Matana en province de Bururi est réduit en cendres ce dimanche. Le gouverneur de cette province trouve urgente la disponibilité d'un camion extincteur dans cette province pour une improbable intervention. Et aucun nipponiste n'est innocent pour juger l'un ou l'autre. Des propos du premier vice-président de la République, Gaston Sindimoy, en même temps militant du parti Iprona, c'est après la demande de la démission du président de ce parti pour des fautes commises introduites par certains des membres du bureau central de ce parti. Et les habitants de la commune Nyarusang et de la province Gitega réclament l'électrification de leur commune pour entreprendre des activités nécessitant le courant électrique pour s'auto-développer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadogo qui assure la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamungere. Une bonne soirée à tous. Au revoir.